Ils l'ont dit à la télé, je tiendrai jamais jusqu'à ce soir. J'ai pas la clim dans mon cerveau, les plantes dessèchent, je vois des points noirs. Je vais faire la grève pour protester, on va se battre, faut pas rêver. Mais que fait le gouvernement? On n'en peut plus, c'est pas marrant. Io, io, c'est la canicule. Il fait beau, bien trop chaud, jetons les coulants dans l'eau. À Paris, comme des mouettes, on va crever la gueule ouverte. Dès que la France dépasse 30 degrés, c'est la nouvelle mode de l'été. Faut coller les vieux au frigo et leur balancer des seaux d'eau. C'est comme ça l'été, il fait chaud, tu le savais pas, c'est tout nouveau. Io, io, c'est la canicule. Il fait beau, bien trop chaud, jetons les coulants dans l'eau. À Paris, comme des mouettes, on va crever la gueule ouverte. Fini la plage en après-ski. Il faut ressortir ton maillot, le soleil qui brille c'est joli, carbonise ta si jolie peau. Réjouissons-nous grâce aux médias, le froid ne passera plus par là. Io, io, c'est la canicule. Il fait beau, bien trop chaud, jetons les coulants dans l'eau. À Paris, comme les mouettes, on va crever la gueule ouverte. Tout part en couille, c'est la déroute. La planète va vraiment bien mal. À qui la faute, on sait pas trop. À Ben, à Nokia ou Esso. Io, io, c'est la canicule. Il fait beau, bien trop chaud. Jetons les coulants dans l'eau. À Paris, comme les mouettes, on va crever la gueule ouverte. Le reste du monde se rend pas compte du drame qui envahit l'écran. Ils sont gonflés, ils ont pas honte. S'occuper d'eux, on a plus le temps. Ni du Darfour, ni de Gaza. La séchée, look et la cata. Io, io, c'est la canicule. Il fait beau, bien trop chaud, jetons les coulants.